yeah. Qu'elle sait faire, elle sait vouloir la bière. Qu'est-ce que je sais faire? Je sais vouloir la bière. Chier. Elle sait faire, elle sait vouloir la bière. Qu'est-ce que je sais faire? Je sais vouloir la bière. Chier.